Les mains dans le vomi, je ne pense plus à rien. Les mains dans le vomi, je ne connais plus les miens. Chaque semaine je recommence ce que je suis en train de faire. Il est si léger, j'ai tout mis par terre. J'ai vomi vendredi soir, j'en vomirai encore ce soir. Si j'ai vomi hier soir, c'est que je vomirai sûrement ce soir. On dirait du cassoulet, y'a plein de morceaux dégueulasses. On pourrait presque encore le manger et avoir une putain de chiasse. J'ai vomi vendredi soir, je revomirai encore ce soir. Si j'ai vomi hier soir, c'est que je vomirai sûrement ce soir. Vendredi soir, je vomirai encore ce soir. Si j'ai vomi hier soir, c'est que je vomirai sûrement ce soir.